Jésus, mon âme, garde-moi du pain de ce jour pour la paix, la paix du Seigneur. Tiens dans ma main pour la vie de la peur, le temps des convictions, le temps des convictions, le temps des convictions, Christ Emmanuel. Le temps des convictions, le temps des convictions, le temps des convictions, Christ Emmanuel. Une vie de ta part, tiens alors ma main pour produire ton amour au pied de ta croix. Garde-moi dans ta présence sur la terre, le temps de conviction, le temps de conviction, le temps de conviction, Christ Emmanuel. Le temps de conviction, le temps de conviction, le temps de conviction, Christ Emmanuel.